Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Tanguay nous fait découvrir un autre band indie. On reçoit Michel Lebrun avec sa chronique juridique. Et la musique francophone de David Ferron avec La langue dans ton oreille. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 18 septembre 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Hey! Wow, François! Hey! François! Hey, je suis là! Es-tu là? Je t'entends pas! Je suis revenu. Ça arrive mal, ça. Ouais. Pas super. Hey, salut! Salut! Ça va? Comment ça va? Très bien, belle soirée hier! Yeah. Ouais! On est encore sur le party! Ben oui, c'est ça, gros. C'est pas boum, petit poum, petit poum, là. C'est pas vrai. Gang bang, hein? Gang bang? Hein? Quoi? 7h02, moi j'ai. On n'a jamais la même heure à toutes les places, hein, ça n'a pas l'air. Parlons donc de l'émission d'aujourd'hui qui va être vraiment comme un gangbang d'informations. Un gangbang d'informations, exactement, aujourd'hui. Écoute, t'es émission fort chargée, pleine chroniqueurs, tout le monde t'en reviendras pas, dans le même studio. T'en reviendras pas, je pense. J'en reviendrai pas. Non. Impossible. Ouais. Donc aujourd'hui à l'émission, on a en début d'émission Zone Campus à 7h05. On va faire le petit survol du plus récent numéro du journal Zone Campus qui est en kiosque depuis hier. Oui. Hein? Oui. Ensuite, oui. Et plus tard à 7h30, on aura Maxime Tanguay et sa chronique. C'est qui ce Ben là? J'en ai aucune idée. Ouais. Ensuite à 8h, Michel Lebrun et son panier à salade. Lui, c'est l'homme qui parle de tous les J. Juridique, oui. Justice, et quoi d'autre? Et Judiciaire. Ben oui, c'est vrai. C'est judicieux. La chronique judicieuse de Michel Lebrun. Ensuite, à 8h30, en fin d'émission, David Ferron sera là pour La langue dans ton oreille. C'est sa chronique sur la musique francophone. Et aujourd'hui, nous parle du Festival international de la chanson de Granby. On va entendre quelques-uns des finalistes et ou gagnants. Ouais, Rod le Stade a gagné. Oui, Rod le Stade. Hein, c'est un nom assez particulier. Ça m'a surpris d'entendre ça, nouvelle. C'est spécial, hein? Quand même. Donc, on en parle à 8h30. Tout ça est beaucoup plus. On va commencer en musique avec un petit peu de Gaslight Anthem. Oui. François, ton choix. Et la pièce 45, 45. Et crime, les CD sont rendus qu'ils ont 45 tonnes dessus. 45 tonnes. Attends un peu, moi, de tâche, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça va être long, là, je pense. Continue. Je pense que c'est la première, finalement, 45. Ouais. Ils sont drôles, de même, hein? C'est bon, Gaslight Anthem. Ouais. J'adore ça. Ben, les voici à Assemblage requis. Yeah. formation Gaslight Anthem et la pièce 45, pièce que j'adore. Mon Dieu que c'est bon. Tourne le disque de l'autre bord. Tourne le disque de l'autre bord. Non, c'est pas ça Pantoute qui dit. Ben oui, c'est ça. Turn the record over, François. Non, c'est pas ça qu'il dit. Comme un téléphone Android, tu mets ça de bord puis ça devient sur mute. Ça... Hein? C'est vrai? Je te jure. Sérieux, tu fais juste le revirer puis ça devient sur mute? Ah oh, ouais. Pas s'il faut une application, mais c'est... comme un disque que tu retournais de bord, sauf que dans le temps, ça jouait d'autres musiques. Ouais. C'est ça. Si tu vires le journal sur le campus à l'envers, okay? Tu vois de la pub. Ben, tu commences par les sports. Oui, c'est ça, où tu vois de la pub. Donc, on va en parler en détail dans la chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Il y en a qui commencent vraiment par la fin du journal. Oui, oui, ça se peut. C'est pas vrai, ça. Donc, Zone Campus, volume 8, numéro 2, édition du 17 au 30 septembre 2012. On va faire le tour comme un tag team de lutte, là. Section par section. En fait, c'est quoi ton nom de lutteur? Je sais pas, invente-moi ton nom. Je sais pas. Alors, de même... Plantouille? Plantouille. Oh, plantouille. J'aime ça. Plenty of touille. Oui, toi, c'est The Death Merchant. Hein? J'aime ça aussi. Marchand dans la mort. Ah ouais. Pas pire ça? J'aime ça. Commençons par les actualités. Je vais y aller avec Place à la relève en gestion. Les organisateurs voient grand. La troisième édition de Place à la relève en gestion a été lancée le 29 août dernier. On revient sur les Jeux du commerce 2013. En fait, on en parle à l'avance. C'est ça, ça s'en vient plus tard. La préparation commence, là, exactement. Ça se déroule là. Voilà. Ensuite, une première activité réussie, une deuxième à venir. Le BRE lance sa session en grand. Le BRE, c'est le bureau de la réussite étudiante. D'ailleurs, Véronique Mire est avec nous hier. Oui, c'est ça pour nous en parler. Et voilà. Toujours en actualité, un nouveau profil en criminalistique pour les amateurs de CSI, les experts et autres séries comme ça. Ce sera vraiment pas comme ça, j'en suis certain, parce que de la vraie criminalistique, c'est pas mal plus sophistiqué que ce qu'on voit à TV. Et c'est très compliqué. Écoute, je m'en suis fait parler de ce programme-là cette semaine, d'ailleurs. Et puis, en tout cas, la personne semblait intéressée à s'inscrire là-dedans, mais une fois que j'ai un peu discuté avec, je pense que je l'ai... Tu l'as découragé. Découragé. Ouais, parce que c'est de la chimie. Ben oui, c'est ça, c'est super scientifique. C'est pas genre, t'as un ordinateur, puis ah ouais, zoom là-dessus. Non, zoom. Non, zoom ça. In. Non, non, c'est pas et, ça. Et c'est pas vraiment non plus, tu sais, des empreintes digitales. C'est pas vraiment ces trucs-là. Mais bref, écoute, fort intéressant pour les gens qui adorent la chimie. Oui. Mais comme moi qui a même pas réussi sa chimie de secondaire 5, c'est pas pour toi. C'est vraiment pas pour moi. Non. Les troupes mobilisées ne sont toujours pas rassurées. On dit que la GEQTR attend des changements concrets avant de se réjouir après les élections du 4 septembre dernier. Ici, on parle de la hausse des frais de scolarité, mais exact. Bien entendu. Exact. Dans sa chronique En pleine face, Simon Fédibé parle des perdants. Encore une fois, par rapport aux élections, il parle entre autres de Hossan, Laurent Proulx, Jean Charest et la représentativité. Voilà. Ensuite, sécurité lors de la semaine d'intégration. Petits incidents, grande amélioration. Donc, on revient évidemment sur la semaine d'intégration qui avait lieu il y a quelques temps déjà. Vas-y. Excuse-moi, Mathieu, je veux juste plugger un peu le Facebook de C'est fou. Si vous voulez voir des photos, hein? Taguez-vous, mais oui, ça, certainement. C'est des photos de la journée d'intégration. Fort intéressant, d'ailleurs, vous pouvez voir les bananes en pyjama. et chanter la chanson en les regardant. Les bananes en pyjama. On connaît jamais la suite. Non, c'est ça. C'est sur Facebook en tapant C'est fou. C'est fou. FM. Ouais, exactement. Il y en a aussi sur la page de Zone Campus. Je pense qu'il y a du cross-posting. La Zone Campus, c'est fou. Cross-posting. Cross-posting, ça, c'est quand on... Quand tu tagues avec... C'est comme la pollinisation des fleurs, mais via Facebook. La pollinisation des réseaux sociaux. C'est bien dit. Bon. Dans sa chronique Game Over, Michael Da Silva parle du Gamescom 2012, un salon entre le réel et le virtuel. Vous savez que dans sa précédente chronique, il parlait de l'E3, et donc il fait le tour des foires de jeux vidéo les plus importantes au monde dans Game Over. Voilà pour la section actualité. Pour la section société, en fait, une nouvelle chronique dans ce journal. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and... Peut-être pas you and me. You and someone else, me and someone else. Ah, ben oui, exactement. Écoute, c'est Jonathan Laranger, nouveau chroniqueur du journal Zone Campus, qui nous parle de sexualité. En fait, un peu en lien avec l'histoire aussi. Là. La religion. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, vraiment très intéressant. C'est ça. Il y a aussi Jean-François Veilleux. Ça, écoute, lui, il est pas nouveau. Avec sa chronique, je me souviens, au pouvoir citoyen. Bon débarras, Charest, vive la reine Pauline. En fait, je pense que le titre veut un peu tout dire. Je sais pas ce qu'il en pense vraiment. Je sais pas, écoute. C'est très subtil. C'est comme ouais. Faut le lire pour comprendre. Lire entre les lignes. Et puis, évidemment, écoute, on retrouve le fantasque, on retrouve aussi les jeux en page 9. On retrouve Sébastien Dulude aussi. Hein? Oui. Sébastien Dulude, d'ailleurs, qui nous a fait... Il nous a fait jouer à son jeu dont vous êtes le héros hier à la radio et vous pouvez lire ses chroniques dans le journal aussi. Exactement. Très intéressant, Sébastien Dulude, tout le temps. Un homme extrêmement intelligent. Oui, en art et spectacle maintenant, Simon Murphy Gauthier est l'artiste qui a peinturé, ou peint, je dirais peint, la nouvelle murale de la Chasse-Galerie juste en arrière de nous, l'autre côté du mur. C'est le mur que je touche là. Si je touche là, je touche presque... Je sais pas ici. Hein, c'est où ça donne exactement. Je dirais peut-être un petit peu plus par là. Ouais, ça fait une moins belle image quand je m'étire autant jusqu'à l'autre mur. Bon. Non, ça, toi, plus là. Le spectacle La Rentrée 2012, un franc succès. Vous savez, le journal est sorti hier, lundi, et le party de La Rentrée avait lieu jeudi dernier. Donc vraiment, on est là, tu sais, on est très proche de la nouvelle maintenant dans le Zone Campus. C'est tant mieux. On parle de l'émission Rock Classique avec Alain Lefebvre qui a lieu tous les vendredis entre 11h et 17h. Lisa-Marie Gaudreau qui a écrit un article là-dessus et qui s'appelle « Pour les passionnés du rock ». La Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, quand les universitaires rencontrent la légende. Alexandra Carignan nous en a parlé un petit peu hier. C'était le match où les quatre capitaines de la Luître affrontaient François Laneuville, un gars d'expérience. En improvisation. Un gars avec beaucoup de talent, je pense. Oui. Toujours en impro, la LIM fait grand pour ses 30 ans. On dit que la LIM va changer sa formule de spectacle reliée au hockey cette année. On parle des mardis live qui se poursuivent au Gambrinus avec tout plein de spectacles à venir, entre autres un hommage à Johnny Cash et un duo intimiste avec Stéphie Choc. Dans sa chronique sur les critiques musicales, Maxime Tanguay nous fait presque écouter si un journal pouvait nous faire entendre des choses. Mais je suis sûr que si tu frottes ton journal dans ton oreille, t'entends la mer. Peut-être. Donc, Minus the Bear avec Infinity Overhead et Animal Collective avec un album, en tout cas, qui a l'air d'exciter bien des gens en ce moment, Centipede Hurts. L'exposition Photo de presse du Québec qui a lieu du 6 au 30 septembre. Donc, ça présente les lauréats et finalistes du prix Antoine Desilets 2011. Il y a la programmation des 45 ans du Ciné-Campus. Quelques événements au Musée québécois de la culture populaire, entre autres Québec en crime. Et voilà pour les arts et spectacles. Merci Mathieu. Au niveau des sports, on retrouve la belle photo de Nicolas Ducharme et de Philippe Doucet qui n'est vont présenter. Pas prise par Pascal Proulx, mais bien par Danny Janvier, si je veux rectifier ouais. ici. Mais oui, exactement, tu fais bien de le mentionner. Je le disais à radio. Petite erreur ici. Mais c'est ça, Nicolas Ducharme et Philippe Doucet qui vont d'ailleurs être les commentateurs de la nouvelle chaîne Patriot.tv. Alors, on va pouvoir écouter les matchs d'hockey en direct sur le web. Donc, vous pouvez d'ailleurs aller visiter le Patriot.tv pour aller voir ça. Deux gars, qui s'y connaissent en hockey. Hein, je pense que oui. On peut pas se tromper. Et puis, Nicolas Ducharme, fort sympathique d'ailleurs, qui était chroniqueur ici à Assemblage Rocky l'année dernière. Oui. Il m'a dit qu'on pouvait l'appeler si on avait des questions, quoi que ce soit. Donc, peut-être pour la première, écoute, on fera un petit topo ici. Pour Patriot.tv, bonne idée. Très bonne idée. Ça serait le fun. Oui. Ça serait le fun. Écoute, on retrouve aussi un profil de joueur qui est Audrey-Anne Garceau. Évidemment, ici, on parle du soccer féminin. On parle aussi, toujours en continuant dans le soccer féminin, déception chez les Patriotes. Donc, le deuxième match s'est avéré pas un succès. Pas un succès. Ça n'a pas été un succès. Et puis, premier match à domicile pour soccer féminin, match nul. Donc, voilà, on commence la saison comme ça. Dans sa chronique d'une foulée à l'autre, M. Maxime Bilodeau nous parle de la théorie dite « evidence-based ». Je sais pas, en fait, je la prononce comme il faut. Ouais, ouais. Espérons-le. Et puis, retour au bercail, nous se joint aux Pats. Marie-Ève Nau, d'ailleurs, qui avait participé aux Jeux olympiques de Londres cet été pour la formation féminine de soccer. Donc, voilà. Très, très intéressant. Je sais pas si, Mathieu, t'as pu écouter un peu les Olympiques cet été. Un peu, oui. Au début, surtout. Là, je me suis tanné vite. Ouais. Mais t'aimes-tu c'est une formule que t'aimes? Ou... Je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses à regarder. Tu sais pas trop où t'enligner. Que t'écoutes en français ou en anglais, t'as comme 14 passes à écouter. C'est vrai. Et des fois, tu y vas avec ta discipline. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Exact. Donc voilà. Évidemment, écoute, on continue pour la rubrique sport. On parle du camp d'entraînement des Patriotes hockey, la fébrilité du début de saison. C'est Philippe Doucet qui fait son article là-dessus. Et puis, premier match de soccer masculin, les Patriotes s'inclinent. Donc voilà, ça fait un peu le tour des sports. Évidemment, les sports, c'est pas... On est encore début de saison. C'est ça, vous avez vu le nombre de pages de sport qu'il y a dans le journal cette fois-ci? Pas tant que ça, t'sais. Non, pas tant que ça, c'est ça, exactement. Mais écoute, ça va remonter, ça peut juste... s'en aller en remontant. C'est ça quand tu commences en bas de main. D'ailleurs, tu parlais de Maxime Bilodeau tantôt et sa chronique d'une foulée à l'autre. On va l'avoir demain, Maxime, à l'émission avec sa chronique à 8h30. Et ça va continuer sur le jus de betterave comme la semaine passée. Et là, on devrait pouvoir écouter. Là, on est supposé, ouais. en avoir. Parce que la semaine passée, on n'avait pas pu y goûter. Il n'avait pas trouvé la marque. T'sais, tant qu'à nous faire goûter du jus de betterave, il s'est dit la meilleure marque. Non, il voulait de quoi totalement naturel, je ouais, pense. Biologique, etc. Quelque chose comme ça. Donc, on lui en parlera demain. Pour l'instant, ben, c'était le tour, le survol du plus récent numéro du journal Zone Campus. C'est le volume 8, numéro 2, édition du 17 au 30 septembre 2012. Procurez-vous-le partout sur le campus de QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Sur le campus, parce que ça vous concerne. Un jour, on le changera de flag. Donc, toujours assemblage requis. Il est quelle heure? 7h19? 7h17. 17? On s'assigne sur l'heure, là, matin. D'habitude, mon heure est là. Ah, 18. Là, attends, 18. Là, ici, c'est 18 aussi. Ah ben. On fait le moyen? Oh, 18 une. Repasse mon nom de la musique, François, avant qu'on continue. Ouais, mais JP Dalpé, est-ce qu'on va JP Dalpé? T'as bien raison. On s'en entend JP Dalpé. Après ça, on vient avec Maxime Tanguay et sa chronique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Qu'est-ce qu'on fait? On va en musique. Ouais. Avec... C'est-tu de la toune? Oh! Wow, on aurait pu continuer pris, ça longtemps. Pris. Hey, ça aurait été drôle. Ah, oh, wow, t'es... Hey, hein, toi, tu l'as. Toi, là. Toi, tu l'as. Comme Jerry Bill. Et comme Pépé. Comme Pépé. JP, joue quand tu veux. Vas-y. Quand ça te Vas-y donc, JP. Aussitôt que ça te tente. Aussitôt que t'en as envie. Eh bien. Lève-la, je pense. Ouais. Ça va pas de l'air d'identité à matin. Ça va pas de l'air partout. Ah, écoute, ah, tu me rends mal à l'aise. Non, mais peut-être que ça y tente vraiment pas. Écoute, on pourrait peut-être entendre quelque chose d'autre s'il veut rien savoir ce matin. Je pense qu'il est rouillé. Ouais, ouais, il est rouillé d'ailleurs. Ben, mange. JP Dalpé faisait la première partie de Vincent Vallière. Ah, et Vincent Vallière, c'est comme ça que c'est fait. C'est tout le temps rempli, puis aucune chance d'y aller. Il était au Festival de la Poutine. Cet été? Oui, il était au festival, je m'en allais dire, de l'art vocal, le Festivois, mm-hmm. ici à Trois-Rivières. J'ai été le voir avec ma copine. Oui? Oui, fort intéressant. Bref, c'est un succès avec les filles. Hein. Vincent Vallière, écoute, on ne se cachera pas. J'ai passé une belle soirée. Bon. Sincèrement. Ben, écoutons pas du Vincent Vallière. Écoutons du Lisa Leblanc. Oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi parler de mais... Avec Ligne Diderot. Vince Diderot? Vincenzo Vallières, comme je l'appelle. Vincenzo. Je déciderai d'enfouir mes robes de gypsy au fond de mon garde-robe. De mes vieilles valises, je sortirai ce que j'ai vécu pour les exposer sur mes murs que je pourrais appeler les miens. Je pourrais arrêter d'angoisser, voir si c'est moi le char qui laissera aller en premier. Un moment donné, je boycotterai le vieux café dépanneur, puis jugerai à mon tour ceux qui s'achètent du vin d'épicerie. Téléphone sur le bord de la rue. Non, j'aurai d'autres fêles avec la réalité que les grandes lignes d'hydro qui me suivent partout. Je marquerai plus les cabines de téléphone sur le bord de la rue. Non, j'aurai d'autres fêles avec la réalité que les grandes sur les chemins que j'aurai battu, et je prendrai enfin le temps de les admirer. Je pourrais me dire que je suis choyé, que mes idées autant à compter en me couchant dans des draps, que je pourrais appeler les. j'aurai d'autres faits avec la réalité et les grandes lignes d'hydro qui me suivent partout. Je marquerai plus les cabines de téléphone sur le bord de la rue quand j'aurai d'autres faits avec la réalité que les grandes lignes d'hydro qui me suivent partout. D'enfouir mes robes de gypsy sans mon garde-robe. Retour, on écoute de la musique indie avec Maxime Tanguay et Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Toujours Assemblage requis, il est 7h31, François-Olivier Marchand est là. Mathieu Plante aussi. Mm-hmm. Et Maxime Tanguy vient d'arriver en studio. Allô! Hey. Allô! Allô! Ça va? Comment vous allez? Ça va bien. Oui? Oh, vous êtes beau. Ah, tu m'as fait sourire ce matin. Hey, avant la pause, on a entendu du Hot Panda. Oui. Tu sais, il y en a qui se demandaient, c'est qui ce band-là? Et là, Maxime Tanguy va dire le nom de sa chronique. Avec une, aujourd'hui, on va lui donner l'émotion. François, l'émotion? OK, allons-y. L'émotion frustrée. Frustrée? Ouais. Hey, c'est qui cette band-là? Ah, non, aucune idée! C'est pas que le temps de pantoute, mais c'est très... Non, c'est bien. Explosion de saveur! Hey! Oui! Et le band que je vous présente aujourd'hui n'a vraiment pas rapport non plus avec ce thème-là. C'est comme l'opposé complet. Là, c'est comme un... Le thème musical, c'est un concentré de joie où on voudrait aller courir nu dans une prairie, n'est-ce pas? J'y pensais justement. Ben oui, je pensais pas à ça. C'est d'ailleurs la pochette de cet album-là, les gars qui courent, qui traversent la rue tout nu. En tout cas, bref. Ça donne envie de se l'acheter. Oui. Surtout le nom de l'album qui est imprononçable. Et non, en fait, c'est The National que je vais vous présenter aujourd'hui. Qui est un band obscur, très, très obscur, très... Raciste. Oui, voilà, raciste. Raciste. Non, en fait, pas du tout. Même au contraire, ils appuient Barack Obama dans sa candidature depuis maintenant deux mandats. Et bien, en fait, un mandat, deuxième pas encore confirmé. À venir. À venir, espérons-le. Et donc, c'est ça, The National, qui est un groupe de Cincinnati, Ohio, qui est basé présentement à New York, qui roule depuis 99 ou dans ces alentours-là. Et c'est le genre de band qui est intéressant parce que ben c'est Matt Berninger, qui est le chanteur, qui a une voix de baryton, qui est vraiment... Vous avez l'impression que quand Berninger chante, c'est comme s'il vous murmurait à l'oreille. C'est hallucinant. Ah ouais. Ah oui, vraiment, il a un charisme dans sa voix, lui, en plus qu'elle soit justement très profonde. Et la musique est tout le temps en arrière pour l'appuyer, pour mettre en valeur cette voix-là. C'est magnifique. Et les quatre autres membres sont en fait deux paires de frères. Donc, deux paires de frères. Oui. Pas pire, hein? Donc, pas pire. Les jumeaux Aaron et Bryce Dessner qui s'occupent de la guitare et parfois de petits claviers, de petits... Okay. Je pense à la même guitare, toujours. Non, okay. Jamais. Mais des fois, je pense qu'ils changent de côté de scène et on s'en rend pas compte. Ça, c'est vraiment... En tout cas, c'est traumatisant. Et, à la basse et au drum, il y a Scott et Brian Devendorf. Donc, Scott à la basse, Brian au drum. Brian, pas les jumeaux, ceux-là. Non, ça, c'est pas les jumeaux. Mais, c'est des frères. Mais c'est des frères. Et Scott ressemble étonnamment à André Markov. Mais ça, c'est un autre point. Ah oui, c'est vrai. C'est incroyable. T'as vraiment l'impression qu'il s'est recyclé après son genou. Okay. Mais c'est bon. voilà, sur parenthèse hockey. Oui, donc c'est ça, The National, qui est vraiment, je pense, c'est un de mes bands fétiches que je peux écouter. Comme présentement, ce matin, avec mon pas de nuit de sommeil, ça pourrait faire l'affaire. Vous direz que ça me mettrait dans un état de plus paisible, de quiétude, malgré ma grosse journée qui s'en vient. Et c'est des paroles qui vont souvent être très intimes. On va pas nécessairement comprendre ce que Berninger veut dire, mais on le sent que c'est là, on sent que c'est profond, on sent que c'est quelque chose qu'il a vécu et qu'il veut partager à tout prix. Il va même jusqu'à gueuler des fois, surtout en spectacle, des fois il va modifier les chansons, les chansons sont plus intenses et il peut aller jusqu'à crier puis à se fendre l'âme sur scène. Mais ça sonne bien quand même. Mais ça sonne très bien. C'est vrai, il y a une maîtrise de son débordement. Non, c'est bien dit. C'est extrêmement bien dit. Puis en fait, ça, j'en reviendrai. La première chanson est un peu un exemple de ça là, okay. qu'on va entendre. C'est ça, c'est des performances tout le temps très émotives et découvrez ça, là, sérieusement. C'est vraiment. Je ne fais que des louanges pour The National, qui est un groupe qui a cinq albums et qui sont bons du début jusqu'à la fin. Les cinq? Cinq, dans le fond, le premier, The National, album éponyme, qui a une pochette, c'est quelqu'un sur le bord d'une piscine là, qui est à côté. C'est un peu, ça invite pas. Mais c'est un album un peu rock tranquille, mais surtout des côtés alternative country. C'est vraiment... C'est étonnant, mais surtout avec la musique est très country, mais pas la voix. C'est ça qui est intéressant. La voix demeure rock. Justement, c'est la voix très grave de Matt Berninger qui, justement, donne de quoi de plus intéressant. C'est pas des plaintes, c'est pas lirant comme du country. Dès le deuxième album, ils ont commencé à tomber dans leur style, justement, qui va nuancer le encore un petit côté folk country, mais surtout le côté alternatif, peut-être même post-punk revival, qu'on va entendre beaucoup de post-punk, entre autres, avec les Interpol, avec les Joy Division et tout ça. Et c'est ce qui va ressortir. Et plus ça va aller dans les albums, plus ils vont développer ça et plus ils vont l'améliorer. Parce que chaque album, jusqu'à présent, est quasiment tout le temps meilleur que son prédécesseur. C'est le fun, ça. Oui, l'inverse est très plate, par exemple. Oui. Quand t'aimes bien un groupe, là. Et on en connaît beaucoup. Ouais, et malheureusement. Y en a trop. Mais... on les nommera pas, mais... Non, non, bon, on va leur penser très fort. Et ouais, c'est ça. Et tous leurs albums, justement, sont tout le temps en évolution constante. Les chansons qu'on va entendre, c'est entre autres Sleeping Husband, qui est la première chanson que je vais vous faire jouer, qui est tirée du deuxième album, qui se nomme Sad Songs for Dirty Lovers, qui résume bien, je pense, l'œuvre de Burning Joe au niveau des paroles. Okay. Des chansons tristes pour des amoureux sales, déchus. Il y a tout le temps de quoi de croche, même si c'est une petite chanson triste d'amour. T'sais. Mais il va y avoir de quoi de pas correct là-dedans. Et c'est la chanson justement où vous allez l'entendre s'emporter à la fin. C'est le seul album où on l'entend gueuler proprement. Mais, et là, ça fait peur du monde. Mais non, c'est une chanson qui est très, malgré tout, rock, accessible. Mais il va s'époumoner. C'est suivi de The Geese of Beverly Road, qui est tiré sur leur troisième album, Alligator. Qui est un album qui est un peu comme tombé dans l'obscurité, qui est pas c'est pas l'album qui les a fait connaître beaucoup, malgré que le simple Mr. November qui ferme l'album a été quand même bien écouté à cause justement des élections, qui a été une des chansons qui a été utilisée pour aider Barack Obama. Ah, puis justement, okay. Oh. même si la chanson ne parle absolument pas d'élections selon le chanteur, mais les élections ont lieu en novembre. Exactement. Et puis même la façon, si on écoute les paroles de Mr. November, on dirait vraiment quelqu'un qui est pour monter sur la tribune, qui est pour avoir un nouveau pouvoir. Mais lui, ce qu'il disait, c'était plutôt face aux compagnies de disques qui lui mettaient beaucoup de pression. Donc, c'est... bref, un drôle d'addon. Donc, The Geese of Beverly Road, qui est comme une chanson qui est moins connue, mais qui est magnifique, qui est très belle. Et anecdote rapide sur cette chanson-là, c'est la chanson qu'ils jouaient lorsqu'ils ont pris la photo pour faire la pochette du quatrième album, qui est Boxer. Donc, la pochette de Boxer, tu vois le band de loin sur scène qui est en train de jouer, et il joue The Geese of Beverly Road. Et parlant de Boxer, on va entendre Fake Empire également, qui ouvre l'album. Et qui est beaucoup plus sur la nouvelle ère de National avec ça et avec l'autre album High Violet qui a suivi, qui est un bijou de A à Z. Je vous ai pas amené de chansons pour que vous puissiez l'écouter vous-même à la maison du début jusqu'à la fin, mais parce que c'est du bonbon. Mais Fake Empire qui ouvre Boxer, qui est également qui représente bien où sont rendus justement The National avec leur évolution musicale. Parfait, on va entendre les trois pièces de suite. Oui. Commençons par celle du premier CD. Oui, exactement. La voici. C'est ça. C'est ça. Sit down there, we gotta talk. You're acting like a kid. We don't wanna hear about the things you never did. You could have been a legend. You became a father. That's what you are today. That's what you are today. Spending all your time somewhere inside your head, haunted by the imported life you could live. But your kisses aren't enough to keep your kids in line, so you better straighten out yourself and give your baby time. 'Cause if you don't give her what she needs, she'll get her where she can. 'Cause she's a lonely man. Don't leave yourself alone for too many days. 'Cause sooner than you know, you're gonna start slipping. To the ghost of your wife as if you knew her. Your eyes will put her everywhere. Spend a night of time somewhere inside your head, haunted by the important life you could lead. You'll fuck yourself to clear your head. You'll close your door and go to bed. You'll try to sleep without a dream, 'cause that's where she finds you. Yeah, that's where she finds you. Yourself alone for too many days, 'cause sooner than you know, you're gonna start slipping. drinking you before you start the bore us. Dear, we better get a drinking you before you start the bore us. Dear, we better get a drinking you before you start. We'll be right back. stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade, and take it with us, put it half away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake. Fake empire. C'était Fake Empire qui ouvre l'album Boxer, qui est un excellent album de The National. C'était précédé de The Geese of Beverly Road et Slipping Husband. Mm-hmm, très, très bon. François, je pense que tu as trippé. Ouais, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Oui, excellent. Ça fait ma journée. Bon, je te le dis. Ça fait la mienne aussi. Bon, ben parfait. Hey, Colin, hey, on fait des journées. Hey, c'est-tu cute, cette émission-là? Hein? Oui, c'est plein de bonheur. C'est des rapprochements, j'allais dire des attouchements, mais... Ouais, non. Non, pas encore. Non, pas encore. Non, ça s'en vient. Une quatrième tourne, je pense que ça serait... Et pour conclure rapidement, comme je vous disais hors d'onde, j'ai vu en spectacle au Centre Bell. Et je veux dire, personne sensible qui ne veut pas le montrer aux gens, allez pas là, parce que vous allez brailler, c'est sûr. Là. La virilité en prend pour... Je pense que j'ai versé quelques larmes. Mais c'est vraiment un groupe qui est très généreux en spectacle. Je vous disais que Matt Berninger est un peu condescendant dans ses commentaires, mais dans le fond, il se donne, puis c'est corps et âme. Et présentement, The National, si vous surveillez plus ou moins l'actualité dans les séries télé, les jeux vidéo et tout ça, vous allez pouvoir les retrouver de temps en temps un peu partout. Ce que d'autres leur trip présentement, c'est d'écrire des chansons uniques pour des projets X. Et Exile Vilify, entre autres, qui est dans Portal 2, le fameux jeu où tu tires des affaires sur le mur puis ça te fait apparaître partout. Là. Les affaires bleues et oranges, les cercles. Exact. Finalement, il n'y a aucun monstre, jamais, mais c'est juste du casse-tête. Mais c'est intéressant comme jeu. Oui, c'est ça. Je connais pas assez. Bref, Exile Vilify qui, à un moment donné, va jouer dans une radio qui est à terre dans le jeu. C'est le seul moment où tu entends la toune dans le jeu. Fait qu'il faut que tu reconnaisses le band pour savoir que c'est eux. Et ceux qui écoutent Games of Thrones, il y a la chanson The Reigns of Castamere qui joue dans la saison 2, je pense que c'est épisode 1 ou 2, que le groupe a écrit une chanson originale pour justement Games of Thrones. Donc, c'est intéressant. C'est un groupe qui a une belle démarche artistique. Fait que je vous conseille vivement de courir, découvrir ça. Oui. Si, voilà. Et si puis, François t'avait demandé par quel album commencer si jamais quelqu'un veut... Oui, exactement. Oui, moi, je dirais Boxer est probablement le plus facile d'approche parce que c'est aussi celui qui résume bien The National en tant que tel. Mais Alligator aussi peut être intéressant. Donc, les deux albums du milieu, à peu près, sont des bons candidats pour découvrir le band. Fait que si vous voulez de quoi qui est un peu plus cru, allez avec Alligator. Si vous voulez quoi qui est un peu plus mature, un peu plus... Pas mieux construit, mais... Un peu plus travaillé. Travaillé, oui. Ouais, on pourrait dire ça de même. Là, vous irez vers Boxer. Et par la suite, vous pourrez découvrir l'avant et l'après de ces deux albums-là. Toute la gamme de produits de National. voilà. Merci, Maxime Tanguay. Hey, c'est un plaisir. Merci beaucoup. À vous. On se retrouve mardi prochain à 7h30 pour une autre chronique. C'est qui ce band-là? Déjà, j'en ai aucune idée. Exactement. Je vais remettre les mots comme ça. Nous, on va continuer avec la musique du palmarès francophone. Le groupe Noem. Voici mon espace que je dédie à MySpace. De là 20 minutes quand il me dérangeait. Là, j'avais oublié, mais... MySpace. Je me suis levé ce matin dans un curieux monde parallèle. J'avais un corps étoile tien dans un univers matériel. J'avais si froid et j'avais mal. Sans mon réseau, je n'étais rien. Tout était vrai et immoral. Tu étais là, tu étais loin. Vite approché, je suis si seul sur mon espace. J'ai tant besoin de me connecter à ma page. Réveillé en sueur dans cet enfer si personnel, emprisonné à l'intérieur de cet esprit non virtuel. J'ai navigué parmi ces êtres émancipés de leurs écrans, de leur destin. Ils sont les maîtres, ça me fait peur de voir si grand. We'll be right back. retrouver. Je me suis lassé de ton image. Je ne veux plus que t'espérer et voir enfin ton vrai visage. Viens me trouver, je n'en peux plus de cet espace. Désincarné, je ne suis pas ton mot de passe. Je voudrais tourner de l'été, vivre une vraie réalité. Viens me rejoindre, ce n'est pas nous sur cet espace. Et un reflet que des souvenirs que l'on ressasse. Une vision ou un mirage. On doit enfin tourner la page de mon espace. De mon espace. Noël, mais la pièce Mon espace, un classique dès la première écoute, je trouve celle-là. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Elle va durer longtemps. Je pense que oui. Oui. Noël, l'album s'appelle Apocalypse. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec quoi en deuxième heure, François? On reçoit Michel Lebrun avec sa chronique juridique. Mm-hmm. Et David Ferron avec La langue dans ton oreille et sa musique francophone. C'est ce qui s'en vient. Et vous? Et nous? Et vous? Et nous? Et tous ensemble, tournons en rond et dansons. Non? Peut-être. Non? Danser. Non, t'as raison, moi. Ton jeu de pied est pas efficace. Hey, parle pas de mes pieds de même, tu sais ce qu'il dit sur les longs pieds. Hein? Non. Vous êtes assez fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Déjà de retour pour une deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 18 septembre 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui! Oui! Oh! C'est Mathieu Plante. On met de l'émotion dans nos... Ah oui, tout le temps. On essaye, au moins. Sinon, c'est un peu répétitif, les retours. Hein? Tout à fait. C'est un peu ça. Donc, on parle de justice juridique, judiciaire et autres judicieuses... J, vas-y. Point J, J. Snyder. Non. C'est pas là. Tu les as toutes nommées, Mathieu. C'est les seuls mots en J que je connais. Ouais, c'est ça. Exactement. Jeu. C'est pas un jeu. Le jeu de... La justice. La justice. Marche pas. Alors, on écoute Seth The Whale. On retourne en arrière un petit peu avec leur succès. We Are 1980. Au 89 FM, c'est fou. Leap back into the wind. It's an empty cold outside. I sent you back just the smoothest rock I could find. Accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, sending letters again. Well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless here is a thing of the past. Cutting down trees and using our guys. So we've got commander eyes, loveless sex and information passing right through our skin and the lesson known in spite. All the rules of my own that I break up in strides. Ignore my front back, ignore my left and my right. It's my morale compass, and it's easy to find. Well thought out, intentionally left behind. It's regrettable, yes, but how could I ever sleep at night? Know that I Jackson. Information passing right through our skin. Oh, oh. It's the information age. A last of consequence to the silence. The information age. A fountain bend and real stationary. The information age. A last of consequence to the silence. The information age. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980. We are 1980 de la formation Set the Whale sur leur album Little Mountain, un album que j'adore et un groupe que j'aime tout autant. C'est très bon. Oui. On aime ça. Maintenant, François-Olivier. Mathieu Plante. Tu sais qu'à chaque semaine, on reçoit Michel Lebrun pour parler de justice et de judiciaire juridique, toutes ces choses-là. Exactement. C'est toujours de plus en plus intéressant à chaque semaine. Donc, accueillons-le à l'instant, Michel Lebrun et son panier à salade. Bonjour Michel Lebrun. Bonjour Mathieu Plante. Elle continue derrière et elle est tout à épique cette chanson-là. Ben oui, je pensais, c'est pas pensais que c'est allé au Canada qui commence. Oui, c'est patriotique, on pourrait dire. Non, c'est le jeu de la justice, comme on a dit. C'est quelque chose de d'important. C'est pas et un jeu. Magistral. Non, pas le jeu, mais non, mais tu comprends ce que je veux dire. Clin d'œil. Excusez-moi. Non? Ah, ouais. Laissons faire. Donc, sujet très intéressant aujourd'hui, M. Lebrun. Ben, je vais essayer de vous amener un peu de jus. Le jus, un autre mot en J, hein. Oui, ben c'est ça. Ouais, ah. Ça en fait 5, je pense. Je vous parlais la semaine dernière de la question du doute raisonnable. On parle du crime et on pense souvent à un crime. On dit, bon, est-ce que tu l'as commis? Est-ce que tu as des preuves? Les erreurs judiciaires dont je parlais la semaine dernière, c'est souvent, c'était uniquement ça, c'est des erreurs classiques. On le voit avec l'histoire de Michel Dumont dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui fait l'objet d'un film qui est sorti la semaine dernière. Bon, est-ce que il l'a fait, un peu comme dans le jeu de Clou. Il l'a fait avec le chandelier dans la bibliothèque par lequel, bon... C'est un des aspects, évidemment, qui nous vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on parle de justice criminelle ou de droit criminel. Mais il y a un autre élément, et il y a comme deux éléments dans un crime. Il y a l'élément physique, c'est-à-dire le geste de commettre le crime, et l'élément mental, l'intention derrière le crime. Et il faut retrouver les deux pour déterminer si quelqu'un est coupable ou quelqu'un a commis un crime. Et je vous dirais que le système de justice criminelle va peut-être passer plus de temps encore dans les faits. Il arrive parfois qu'on se demande qui a commis un crime et puis ça fait l'objet de procès qui sont très intéressants. Mais la plupart du temps, les faits sont relativement évidents et on a déterminé quel était l'état d'esprit de la personne okay. qui a commis le crime parce que sans intention coupable, il n'y a pas de crime. On peut... on doit retrouver et puis... Et ce concept-là, le concept de l'intention criminelle ou de l'exercice, on dit ça souvent, les philosophes vont parler de l'exercice du libre-arbitre, c'est aussi essentiel à la commission d'un crime. Par exemple, si je suis hypnotisé, si je suis somnambule, si je suis intoxiqué, je peux être dans une situation où mon intention, où j'ai pas l'intention réellement de commettre un crime, où on voit souvent des films où quelqu'un se fait, exemple, hypnotisé ou conditionné par suite à un traitement ou quelconque et amené à commettre un meurtre. Et d'emblée, d'instinct, on se dit, cette personne-là est pas coupable, elle est comme un peu victime de son état, et ça peut aller jusqu'à la folie, évidemment. C'est un concept qui semble évident pour tout le monde, être incapable de distinguer le bien du mal. Il y a des gens qui nous apparaissent d'emblée comme étant fous. Et on ne veut pas nécessairement, on peut pas les considérer comme des criminels au même titre que des, qu'une personne comme, je sais pas moi, le monsieur... Quelqu'un qui commet un crime tout à fait à jeun et normal, là. Ben, exactement. Et puis, c'est un problème qui est pas un problème récent. C'est le problème, je vous dirais, peut-être le plus important en matière de sanctions ou lorsqu'on cherche à sanctionner les personnes qui vont transgresser les normes, par exemple, qui vont tuer quelqu'un. C'est des problèmes qui remontent à l'Antiquité. Je vous dirais, même dans l'Antiquité grecque, on retrouve ce problème-là est posé. Par exemple, chez Homère ou chez les Sophocles, les tragédiens, souvent, dans le temps des Grecs, c'est le théâtre qu'on a gardé comme étant le, je dirais, ce qui... traduit les préoccupations de cette époque-là. Ça s'est fait beaucoup dans le théâtre grec. Et souvent, on voit, je vous en parlais un peu avant qu'on entre en onde, cet été, je voyais une pièce de théâtre au TNM de Wadji Mouahad, qui était, on appelle ça la trilogie des femmes. C'était du théâtre antique, évidemment, où, dans une des pièces, il y avait... une reine qui apprenait que le roi qui était parti en campagne à la guerre et tout ça, était tombé en amour avec une autre femme. Et dès le début de la pièce, la reine pardonne à son mari de l'avoir trompé parce qu'elle dit il est victime de ce que... parce qu'à l'époque, on blâmait beaucoup les dieux. Comme aujourd'hui, il y a quelques années, on pouvait parler de possession ou de dans d'autres contextes religieux. Ben, dans le temps des Grecs, on disait... Si on commet, si on tombe en amour, par exemple, avec une autre femme que la sienne, on est victime des dieux, de Eros, qui est un dieu auquel personne ne peut résister. Donc, d'emblée, la reine pardonnait à son mari. Et par la suite, elle tente de le reprendre en lui donnant une espèce de couverte magique qui est supposée le rendre à nouveau amoureux de elle. Et... En lui remettant cette couverte-là. Le magicien qui lui aurait mis cette couverte-là, là, lui, elle aussi bernée parce que ça pourrait faire de tuer son mari. Cette personne-là voulait s'en prendre au roi, mais elle a fait croire à la reine que cette couverte-là le rendrait à nouveau amoureux d'elle. Et la servante de la reine dans cette pièce-là lui dit... Elle se sent coupable d'avoir causé la mort de son mari, mais sa servante lui dit « Mais tu voulais pas le tuer, dans le fond, t'as été berné, il faut que tu le dises, parce que la sanction ne sera pas la même. » Donc oui. ça, c'est du théâtre qui existait là plusieurs siècles et qui essaie d'aborder le problème de quelle est l'intention criminelle, l'intention chez quelqu'un qui commet un crime. Mais c'est pas évident, comme pas à plaider, mais à distinguer. Ben, l'intention, c'est vraiment propre à chacun. Ce sont des problèmes qui se transportent jusqu'à aujourd'hui et auxquels on a des difficultés encore aujourd'hui à donner des réponses. C'est pas parce que c'est parce que ce sont des problèmes, je dirais, pratiquement insolubles ou c'est des problèmes auxquels chaque génération ou chaque époque a donné diverses réponses. Mais dans le fond, un auteur qui est originaire ici de Trois-Rivières, qui s'appelle Hugues Parent, a écrit des livres là-dessus, qui est maintenant professeur à l'Université de Montréal en droit criminel, a écrit des livres là-dessus. Et qu'est-ce qui permet de distinguer que quelqu'un a voulu commettre un crime ou a vraiment qualifié le geste et aller dans l'intention de la personne, c'est très difficile, vous voyez. C'est même difficile pour moi de vous l'expliquer. Oui, de l'expliquer exactement, c'est pas évident. Il y a des concepts desquels je peux vous parler. Par exemple, l'automatisme. Lorsqu'on dit, lorsque je vous parlais de quelqu'un qui est hypnotisé, quelqu'un qui est somnambule, il y a un cas ici au Canada qui s'est présenté en 1992. Mmh. Je peux vous conter ça brièvement. Je vais vous le conter comme la Cour suprême le raconte. Le 24 mai 87, aux petites heures du matin, M. Parks, parce que c'est la cause de M. Parks, qui était âgé de 23 ans, a attaqué ses beaux-parents, tuant sa belle-mère avec un couteau de cuisine et blessant grièvement son beau-père. L'incident a eu lieu chez ses beaux-parents, alors endormis dans leur lit. Leur résidence est située à 23 km de celle de l'intimé. Donc lui, le M. Parks, a pris son... Il s'est rendu en voiture... à cet endroit-là, en pleine nuit. Et immédiatement après l'incident, l'intimé s'est rendu au poste de police qui était tout près au volant de sa voiture et a déclaré aux policiers: je viens de tuer quelqu'un à main nue. Oh mon Dieu, je viens de tuer quelqu'un. Je viens de tuer deux personnes. Il croyait avoir tué aussi son beau-père. Il dit, je les ai poignardés, battus mortellement, c'est entièrement de ma faute. C'est ce qu'il s'en va dire aux policiers en sortant de là. Au procès, cette personne-là, M. Parks, il présente une défense d'automatisme. Il affirme qu'au moment où les incidents se sont produits, il était en état de somnambulisme. On dit, cette personne-là a toujours dormi très profondément, a éprouvé beaucoup de difficultés à se réveiller. Dans l'année qui avait précédé les événements, ça avait été une année particulièrement stressante. Il travaillait 10 heures par jour. Il avait parié sur des courses de chevaux. Il avait perdu de l'argent. Il avait volé de l'argent à son employeur. Donc, il s'était fait congédier aussi. Et il était poursuivi pour ce vol-là. Donc, il était dans un état d'esprit assez perturbé à ce moment-là. Et, sauf que, dans toute cette histoire-là, ses beaux-parents étaient vraiment supportants avec lui. Personne ne pouvait dire qu'il y avait la moindre agressivité. Envers eux autres. Il n'y avait aucun bénéfice à tirer de ça financièrement. Et au contraire, peut-être que ses beaux-parents étaient vraiment, avaient été des appuis qu'il appréciait beaucoup. Ça semblait pas contredit. D'ailleurs, au procès, l'accusé a dit ça. Il dit, moi, je me suis endormi, je me suis réveillé, puis j'avais tué ma belle-mère, puis j'avais blessé mon beau-père. Le jury avait acquitté. Non, ça, il n'avait pas été simplement comme on a pu voir dans l'affaire, par exemple, de M. Turcotte, le docteur Turcotte, qui a fait les manchettes il y a quelques années. Il n'a pas été déclaré non responsable pour cause d'aliénation mentale. Il a été purement et simplement acquitté. Et c'est ce qui a fait l'objet. C'est la seule question que la Cour suprême devait répondre. C'est de dire, est-ce que c'est un cas d'aliénation mentale ou de maladie pour laquelle on va déclarer quelqu'un non responsable et là, on va le traiter pendant possiblement des années, ou c'est simplement que la personne n'est pas coupable. La personne n'a pas l'intention requise ou a agi comme un robot, dans le fond, là, puis a perdu sa personnalité. Et puis, en constatant que tous les experts étaient pas mal convaincus que c'était vrai, que monsieur était somnambule au moment des événements, on a conclu que le somnambulisme n'est pas une maladie neurologique, psychiatrique ou autre. C'est un état d'esprit. C'est ça. C'est un trouble du sommeil. Qui est très fréquent chez les enfants et qu'on rencontre également chez les adultes. Il n'y a aucun traitement médical contre le somnambulisme non plus. La seule chose à faire, c'est d'essayer d'avoir une bonne hygiène de vie. Et puis, devant cette constatation-là, la Cour suprême a dit, écoutez, c'était... Il y avait même été question, est-ce qu'on doit encadrer cette personne-là avec des conditions particulières ou une forme de probation? Puis on a dit non. Dans le fond, cette personne-là n'est pas coupable de quoi que ce soit. Elle a simplement commis un crime dans un état d'automatisme. Il y a un autre... Un instant, avant de continuer avec un prochain cas, on va juste prendre une petite pause musicale. On revient dans quelques secondes. Voici Culpabilité de Chinatown. Oh. Hein? Au loin de cette voix qui ne sait pas se taire, le sentiment. Chinatown et culpabilité, toujours dans la chronique panier à salade avec Michel Lebrun, après vous avoir sauvagement arrêté tout à l'heure. On continue sur notre lancée sur la culpabilité. Ben, je parlais des choses qui peuvent, annuler l'intention requise et puis permettre de faire acquitter quelqu'un. J'ai donné l'exemple de l'automatisme qui est le fait de, par exemple, la personne qui est somnambule ou qui est sous l'état d'hypnose. Il y a une autre façon d'annuler ou un autre aspect qui a été soulevé dans d'autres cas, qui, par exemple, la contrainte. Une autre décision, encore une fois, de la Cour suprême qui date de 2001, c'est toutes des choses qui sont récentes et qui reviennent tout le temps parce que c'est toujours les mêmes problèmes qui sont traités par les tribunaux. C'était une dame qui s'appelait Ruzik, qui était née à Belgrade et qui avait 21 ans à son arrivée au Canada, lorsqu'on a découvert qu'elle avait quelques kilos d'héroïne sur elle en arrivant au Canada. Et à son procès, cette dame-là dit oui, c'est tout à fait vrai. Mais chez nous, Belgrade, ça, c'est en ex-Yougoslavie. À cette époque-là, ce qu'elle prétend, et les historiens, les experts qui avaient témoigné à son procès, confirmaient ce fait-là, c'est que c'était le chaos total dans ce qui était autrefois la Yougoslavie. Et elle dit qu'elle avait rencontré un homme qui s'appelait Mirko Mirkovic. Je ne sais pas si c'est un nom qu'elle avait inventé. En tout cas, il s'appelait Mirko Mirkovic. Et elle avait été crue là-dessus, qui, graduellement, a fait sa connaissance, semblait connaître beaucoup de choses sur elle et semblait appartenir à une des nombreuses milices là, qui terrorisaient le pays à ce moment-là. Et à un certain moment donné, cette personne-là lui a dit, regarde, il lui a donné un billet d'avion. Il lui a dit, tu t'en vas au Canada, t'amènes de l'héroïne au Canada, tu vas aller porter ça à tel endroit à Toronto. Et si tu fais pas ça, je vais m'en prendre à ta mère, à ta famille. Et ça a été sa défense. Et à l'époque, au Canada, cette défense-là était admissible, mais était quand même, dans une certaine mesure, controversée parce qu'on exigeait que la menace soit immédiate ou qu'on ait pratiquement une arme sur la tête ou pour reconnaître que la personne n'était pas responsable du crime qu'elle avait commis. Et encore une fois, dans cette décision-là, la Cour suprême a dit, écoutez, on peut pas condamner des gens qui sont moralement innocents. Et dans un contexte aussi particulier que celui-là, dans la mesure où on la croit, évidemment, cette dame-là avait absolument aucune espèce d'autre option que d'obéir et de procéder au geste à importer des stupéfiants. Et encore une fois, on n'a pas atténué sa sentence, on l'a purement simplement acquitté parce qu'on a dit qu'elle n'est pas moralement responsable de quoi que ce soit. Donc, l'élément mental a joué pour des personnes qui avaient, dans les faits, commis ces crimes-là, mais qui n'avaient pas l'intention requise. Mais comme tu me disais, François, l'intention, ça peut aussi être invoqué pour diminuer la responsabilité. Par exemple, quelqu'un qui est coupable qui aurait tué quelqu'un, mais qui n'avait pas l'intention de la tuer, qui a commis un geste dangereux, bien, cette personne-là, son intention de commettre un geste dangereux peut être punie. On peut dire, mais elle peut être punie à ce moment-là pour avoir commis un homicide involontaire et non ce qu'on appelle un homicide involontaire coupable, c'est-à-dire un geste qu'on ne voulait pas qu'on voulait pas causer la mort, mais on voulait commettre un geste qui était en soi imprudent, par exemple, ou qui était illégal. Ça peut être au volant d'une voiture ou quelqu'un qui tire avec une arme à feu un peu à l'aveuglette. On voit ça souvent dans des histoires de chasse où on n'accuse pas la personne de meurtre, la personne qui tirait à l'aveuglette, mais on va l'accuser d'homicide involontaire, puis elle aura une sanction, mais parce que son intention n'était pas la même. Okay. C'est un peu ça qui est... Et ça va jusqu'à la folie. Là, on a l'article 16 du Code criminel, qui est peut-être l'article qui est actuellement le plus controversé, particulièrement au Québec, depuis l'affaire... Ça fait réagir. Effectivement. Depuis l'affaire Turcotte, le fait de plaider... je pense que le concept comme tel de la folie ne cause pas beaucoup de problèmes. Et ça, on le remarque au cours de l'histoire. La plupart des gens disent, en principe, on peut admettre qu'il y a des gens qui ne sont pas responsables de leurs actes ou qui sont fous. Par contre, au cas par cas, quelles sont les limites de ça, de la folie? C'est excessivement difficile, dans des cas extrêmes, de déterminer si la personne est vraiment responsable ou non de ses actes. Et c'est particulièrement le cas lorsqu'on parle de du concept de folie temporaire. D'une, c'est sûr, passagère. Ouais, ouais. Il y a un film qui avait été fait des années, à la fin des années 50, début des années 60, qui s'appelait Anatomy of a Murder, qui était un film de, qui avait rapporté beaucoup d'Oscars à l'époque, de Otto Preminger, là, qui est un grand cinéaste américain. Qui dénonçait un peu, ça avait été fait à partir d'un roman qui avait été écrit par un avocat, et qui dénonçait un peu ce principe, ce concept-là. Ça s'agissait d'une personne qui était accusée dans ce film-là d'avoir tué quelqu'un qui, selon lui, avait violé sa femme. Donc, dans un cas de rage extrême, d'avoir tué quelqu'un. Et il obtenait finalement son acquittement, son avocat obtenait ça en plaidant ce genre de folie, en faisant témoigner des experts en disant qu'à ce moment-là, il a eu une impulsion irrésistible, il ne pouvait plus contrôler, presque comme un robot, là, dans le fond, qu'il n'avait plus le choix et qu'il devait tuer la personne et qu'il n'avait plus le contrôle de ses actes. Et il obtient un acquittement à ce moment-là. Et le film se termine un peu lorsque l'avocat, à la fin, décide d'aller chercher ses honoraires de la personne qui vient de faire acquitter. Il trouve que là où il demeurait dans une roulotte, la roulotte n'est plus là, et il y a une petite lettre de l'accusé qui dit qu'il y a eu une impulsion irrésistible de quitter la ville. Mais donc c'est un film qui est un petit peu cynique sur la question, mais ça c'est lorsque le docteur Turcotte a plaidé ça et que ça a été reçu par un jury récemment, ça cause à peu près la même réaction que ce qui était dénoncé dans ce film-là. Donc, c'est pas des concepts qui sont nouveaux. Par contre, je pense qu'il faut nécessairement reconnaître cette défense-là. On peut pas juger des gens. Et je pense qu'il y a, je dirais même au niveau de la santé mentale, la plupart des médecins psychiatres vous diront que on reconnaît peut-être pas assez la maladie mentale. Il y a peut-être trop de gens qui souffrent de maladie mentale qui sont emprisonnés pour des crimes alors qu'ils devraient être soignés puis bénéficier du régime de protection des malades mentaux. Mais on réglera pas toutes ces questions-là là, ce matin. Mais je suis convaincu que ça va faire couler beaucoup d'encre encore dans les années à venir. Couler de l'encre dans les journaux, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la radio? Faire couler, tu sais, mettons, on va en parler à la radio, on va faire couler quoi? Faire couler les ondes. Faire couler les ondes. Oui, faire couler la salive. On aime ça. L'œil. Alors, fort intéressant. Oui, très bon, comme toujours. On se quitte avec un extrait musical que vous nous avez apporté. C'est la formation de Box. Et on écoute un extrait de leur album de 1985, All the Time. Ça s'appelle L'Affaire du Moutier. Qu'est-ce que c'était déjà L'Affaire du Moutier? Je pense que c'est inspiré d'un cas réel qui est arrivé en France, mais c'était un cas justement où la personne avait plaidé l'aliénation mentale. En France, on appelle ça non coupable pour cause d'insanité. Oui, on l'entend dans les films des fois qui sont traduits en France. Oui, et on va l'entendre dans cette chanson-là. Bon. quel beau hasard. The Box, L'Affaire du Moutier, Say to Me à Assemblage Requis. On the 14th of October, very early in the morning, the results of a crime were found in the stables of Le Père Choupon. The old man had discovered, to his absolute dismay, the dislocated body of Elizabeth Dumoutier. So, the police was called in. I was handed the inquiry. Upon arriving on the scene, some photographs were shot. A couple of small-time journalists were rising their fist among the crowd, shouting, Je ne suis pas le coupable! Celui qui a fait le coup, je me dis, moi! Viens voir là, t'as. Comment c'est que vous savez ça, là, vous deux? Normal! Tout le monde les a vu quitter le bal ensemble hier soir! Walking on the tightrope of insanity. Walking on the verge of losing mind. Walking on the tightrope of insanity. Walking on the verge of losing. Seemed unreal. Well, it soon became quite clear that Austin, the author of this crime, needed swift assistance. Allez, allez, là, monsieur le commissaire, maintenant, il va nous faire le coup du type qui se rappelle de rien, là. Toi, je t'interdis de publier des salades dans ton canard de merde jusqu'à ce que le procès soit terminé. Walking on the tightrope of insanity. Walking. subject led experts to conclude Austin had been the victim of a strange case of split personality. The trial neared its end, and though the facts had been exposed, the crowd still wanted blood, for they were in for a big surprise. Au retour de David Ferron et la langue. Ah. Ouais. Au retour, David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Toujours assemblage requis à 8h34. François-Olivier Marchand et David Ferron se tiennent la main en ce moment. Oui, ça va bien aller, David. Je suis entre de bonnes mains. Ça va bien aller. T'es ouais, comme sur le dentiste, là, fait que fais attention. Ouvre la bouche. Ah! Okay, et mets la langue dans ton oreille. Oui. Le petit minou à la fin, là. Oui. Il était surprenant. Avouez que ça fait votre journée. Toujours. On dirait que t'as perdu un pari. Pourquoi? Avec ton intro. Je comprends pas. C'est comme ta pénalité pour... Non? Les chats? Ouais. On t'a dit, si tu perds, tu vas devoir mettre des chats dans ton intro. Ouais. Ah oui, c'est quand j'ai dit ça. Ça ressemble à ça? Non. Ah! Ça ressemble à ça. C'est l'impression que ça donne. Ça. Ah oui? Ben non, pas du tout. C'est moi-même, à moins que j'avais fait un pari inconscient quand j'étais dans une phase somnambule. Je me dis, les chats. Puis là, je vois... Ton intention n'était pas là. Non. Donc, David Ferron, la langue dans ton oreille, c'est ta chronique de musique francophone aux dernières nouvelles? Oui. Ça ressemble à ça? Ben, ça n'a pas changé? Non. Parce que, tu sais, toi, on sait jamais vraiment si ta chronique va changer. T'sais. Ouais, j'ai eu plusieurs, mettons. T'sais. Ouais, mais là, c'est mon émission qui est condensée dans une chronique, finalement. Mais ton émission, elle n'existe plus? Non. Personne s'en rappelle? Ouais. Tu t'en rappelles pas, toi, Mathieu? C'est lointain. Non, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, c'est ça. Ben là, je m'en fais. Du contraire, moi, en tout cas, j'ai pas de preuves que ça a déjà existé. Moi non plus. À part peut-être l'affiche sur Facebook. Hein? T'es encore là? Ouais. Vous êtes donc ben ingrat, les gars. C'est pas vrai. Ben non. Hey, puis je suis content. Aujourd'hui, tu nous parles d'un artiste, du concours, en fait, Festival international de la chanson Grimbé. Oui. Tu sais, souvent, on entend parler, écoute, c'est un grand concours. Ouais. Bref. Un grand B. Grimbé. Un grand B. Ouais, exactement. Grand B. Grand B. Non, mais je suis content, en fait. Oui. Et puis, tu vas nous présenter l'artiste qui a gagné. Et c'est récent, ça s'est produit quand, ce samedi, je pense? Ben, en fait, la finale, c'était le 15. Donc, okay. Oui, ça tombe c'est... samedi. On est le 18, oui. Ouais, c'est ça, c'est très récent. Oui, donc, c'est samedi. Donc, j'arrive avec de l'actualité tout chaud et tout frais à la fois. Donc, je vous parle de la finale. Donc, une actualité. Ouais. Ça a bien de sens. Yeah! Ça vas-y. Va bien matin. Rends le stade. Ouais, mais avant de vous parler de trois artistes qui ont fait la finale du festival, je vais d'abord vous décrire un peu le Festival international de la chanson de Granby. D'abord, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de la fin des années 60. Ça a été fait à Granby, évidemment, et non à Saint-Glinguin-des-Meux. Non, non, même si c'est une très belle ville, et sûrement qu'il y a un festival qui existe là-bas. Hein? Oui, à Granby. Ouais, Saint-Glinguin-des-Meux. Saint-Glinguin-des-Meux. Oui, le Festival Western Expérimental. Wow, cool. Tous les années du 32 août jusqu'au 34 septembre à Lizy. Aïe, aïe, c'est comme t'as vraiment un espace de plusieurs jours. Là. Oh, ouais, ouais. C'est un grand festival là-bas à Saint-Glinguin. Ça a l'air hot. À Saint-Glin. On disait donc. OK, oui. Donc, le festival commence en 1969, mais avant que ça s'appelle le Festival International, c'est un concours de chant qui est inclus dans la programmation plutôt annuelle. Amateur, comme un peu local, on peut en voir partout. Oui, ouais, c'est comme dans les centres d'achat, mettons. Oui, ben, c'est un concours local qui fait partie de la grille de programmation culturelle de la ville jusqu'en 1969, où ce que là, ça devient une corporation. Donc, ça veut dire que l'organisation se fait tout de manière annuelle et que là, ça prend un employé, des bénévoles. Ils ont des commanditaires, il y a tout ça, là, tu sais, ouais. Toutes les affaires. Okay. Là, ça grossit. Et 89, donc à tous les 10 ans, donc en 1989, ça devient international. Donc, le titre de Festival international de la chanson de Granby, c'est en 1989 que ça arrive. Et on a même des artistes quand même assez connus en Europe, comme Jeanne Chéral et Émilie Loiseau, qui s'y sont produits okay. au cours des années. Mais le Festival international n'est pas juste un concours en tant que tel, parce que c'est un festival qui dure quand même une dizaine de jours. On a même des spectacles au zoo de Granby. Avec les animaux qui chantent? Ben, c'est dans le zoo, mais... Oh, mon Dieu. Hey, quand même. On a-tu dit ça? Hommage à Yogi l'ours. Oui, avec Boubou. Oui, ah oui, c'est vrai, Boubou. Mm. Quel incontournable, ça, Boubou. Mets la langue dans ton pot, tu sais, de mienne, non? Ah oui. Mange ça. Ça va être ma chronique animale pour l'année prochaine. Cool. Oui, miaou. Alors, en fait... Aux autres de Granby, il y a même Paul Piché et Daniel Boucher qui se sont produits cette année, qui ont donné un concert parallèle au concours. Et donc pas juste du bon. Ah! Oh! Mais est-ce que tu peux nous dire qui a déjà gagné? T'as trop hâte, hein? Ouais, j'ai hâte. C'est tripping. Non, mais pas cette année, mais les autres années, en fait, des artistes connus maintenant. Ouais, depuis ben début, oui. Là, ben oui, j'ai une liste. Parmi les gagnants, il y a Jean Leloup, dans le temps qui s'appelait encore Jean Leclerc, Pierre Lapointe, Dumas, Alexandre Desilets et ton idole, Mathieu. Hey. Oh. L'objet de tes fantasmes, Lisa Leblanc en 2010. Oh. Ma bonne Lisa Leblanc! Qui a gagné en 2010? Oui. Quand même. C'est la gagnante, mais elle a gagné plein de concours, là, même si Mathieu ne l'aime pas pour des raisons obscures et nébuleuses. Mais c'est mes oreilles, en fait, qu'il l'aime pas. Moi, j'ai rien contre. C'est personnel. Change d'oreille. OK. Alors, c'est bien correct. Ben oui, chacun ses goûts. Ben oui. Hey, c'est quoi la censure? Hein? Hey. Hein? C'est une blague, Mathieu. Ouais, merci. Je t'aime. Merci. Toi aussi, François. Moi aussi, ouais. Ça, je vais dire comme Mathieu, merci. Ouais, bis. OK, c'est bon. Donc là, je vous présente trois finalistes parce qu'il y en a eu six. Habituellement, il y en a cinq. Mais le jury a tellement tombé en amour ouais. envers les artistes de cette année qu'il a fallu en choisir six. Et moi, il a fallu que j'en choisisse trois parce que j'ai le temps d'en présenter trois. C'est comme la plus lourde tâche encore. T'es comme encore plus tâche lourde que le Festival de Granby lui-même. On t'impose des règles insupportables. Hein? Sérieusement, je vais faire un burn-out, une dépression. Mon gun est là quelque part. Là. T'as déjà l'air... À... Oui. Oh, t'as déjà l'air assez... C'était hard, ça? C'était... Ouh, ben, c'était en fait, non, parce que ces trois choix-là, c'est des choix qui me remplissent le cœur de joie. Donc, je vous présente, je vais vous commencer par le grand gagnant de cette année du Festival international de la chanson de Granby, Rod Le Stud. Qui est Rod Le Stud? C'est un rappeur, mais c'est pas un rappeur ordinaire avec des chaînes au cou. Non, néné, oubliez ça. C'est... un chanteur. Ben, en fait, c'est un rappeur qui a de la classe, qui s'habille en veston, cravate et qui parle de politique et de faits sociaux. C'est la société qui l'a inspiré. La chanson qu'on va écouter, c'est-à-dire « Je suis pas né pour un petit pain », ça a été écrit au lendemain des élections de 2011 et suite à la défaite, je dirais, si je faisais ça comme ça, monstrueuse du Bloc. aux élections. Donc, c'est ça qui l'a inspiré et c'est un auteur, compositeur, interprète que si jamais ça va pas bien dans sa carrière, ce qui m'étonnerait parce que ce gars-là a beaucoup de potentiel et d'ailleurs, je pense que tu le connais bien. Oui, oui, je connais bien Rod Lestad, effectivement. Écoute, c'est bien. C'est bien ce qu'il fait. Tu m'as pris un peu de cours. C'est un stade. C'est un stade, exactement. Écoute, comme Damer, tu cherches les stades, Stade Finder. Mais je pense, en fait, que pour le Festival international de Granby, t'as pas le choix d'être auteur, compositeur, interprète. Est-ce que je me trompe? Ben, ça dépend parce que là, dans les autres... Tu peux seulement être interprète? En fait, c'est qu'avant, t'avais la catégorie gagnant de l'interprète et t'avais une autre catégorie pour auteur, compositeur, interprète. Ah, OK, OK, OK. Là, t'as juste un seul gagnant. Okay. Donc, tu peux être chanteur, tu peux être interprète, il n'y a pas de problème. Là. Ok. Je comme... pensais qu'il fallait... Non, parce que des artistes comme Marie-Ri... Okay. Voyons, je ne me rappelle plus. Marie-Mé? Non, pas du tout. Marie-Jo Thériault. Oui, mais elle est ton compositeur interprète. Elle a fait le concours également aussi. Marie-Hélène Thibault? Oh. Marie, voyons, elle est rousse. Ah, ben oui. Marie-Michel... Marie-Denise Pelletier. Ah! Hey, t'es assez dur à matin. Comment l'oublier, ça? Ouais. Voyons, il pense à chaque jour. C'est sa chevelure. C'est ça. On fait jouer sa chevelure sur nos ondes tout le temps, mais pas sa musique. OK. Faudrait mettre du shampoing pour pas que ça s'use. Mais donc, on écoute Rod. C'est incroyable. C'est incroyable, cette chronique-là. Wow. J'adore ça. Donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est ma chronique préférée, je pense. Rod Lestad. Oui, on va écouter Rod Lestad avec Je suis pas né pour un petit pain. Ça vaut vraiment la peine. Le colocasse, allez chez vous. Ouais, love comme ça. L'insulte connue, allez chez vous. Oui. Rentrez chez vous. Go back at home. Oui, merci d'aller. Soit stérile. Pour l'instant, je les peaufine de l'intérieur de mon domicile. Montréal, mon idéal, même dans la saison hivernale. Malgré tous les scandales, malgré la domination syndicale. Récemment, on entend beaucoup parler du domaine de la construction. Jean Charest le dit lui-même, c'est l'industrie de la corruption. Sérieux, je trouve le Québec, c'est ainsi en arrache. Le meilleur exemple, c'est la commission Bastarache. Coalition pour l'avenir, avec le go, mais pas facas, ça peut pas marcher. Se mettre de côté la question nationale. Des fois, j'ai l'impression que les Québécois sont masochistes. On peut-tu connaître les impacts avant d'exploiter le gazochiste? C'est pas que je fais pas confiance à Caillé ou Lucien Bouchard. Faudrait juste savoir de quoi on s'embarque avant qu'il soit trop tard. Talisme en compagnie va faire beaucoup de billets verts en exploitant notre terre. On va-tu les laisser faire? J'suis pas né pour un petit pain, baba, dis-te baba. Vive le Québec souverain, na na na na na. Faut qu'on se prenne en main, quoi, quoi, quoi, quoi. Bye bye bye, caca, kik, nada. J'suis pas né pour un petit pain, baba, dis-te baba. Vive le Québec souverain, na na na na na. Faut qu'on se prenne en main, quoi, quoi, quoi, quoi. Bye bye bye, caca, kik, nada. En français, c'est mon droit fondamental. Partout au Québec, pis ça, ça inclut Montréal. C'est pas parce que je le demande que je dois être considéré radical. Faut dire que je le dis en français de France ou ben en joual. C'est trop facile de dire que tout va bien. Car à Montréal, ma langue est en déclin. Tu peux jouer l'autruche et mettre ta tête ensemble. Mais quand tu vas la ressortir, ta ville sera plus reconnaissable. Y'a aucun mal à vouloir maîtriser plusieurs langues. Mais faut s'assurer que la langue française reste dominante. Compte pas sur Jean Charest pour bien la défendre. Il nous manque de leader avec du cœur au ventre. Comme en 76, avec René Lévesque. 20 ans plus tard, avec Paris au Bouchard, on a essayé deux fois, jamais 203. Pis laisse-moi dire, fuck la loi 103. J'suis pas né pour un petit pain, baba, dis-te baba. Vive le Québec souverain, na na na na na. Faut qu'on se prenne en main, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Bye bye bye, caca, kika, nada. J'suis pas né pour un petit pain, baba, dis-te baba. Vive le Québec souverain, na na na na na. Faut qu'on se prenne en main, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Bye bye bye, caca, kika, nada. Moi et mes souliers, on a beaucoup voyagé, vu des gens du pays trop souvent ravagés par l'immobilisme, par le syndrome du j'm'en calisse. Ça irait pas mal mieux si on travaillait collectif. J'suis ni un gars de droite, ni un gars de gauche. Moi j'suis un gars de bon sens, pis j'sais une chose. On est pas mal plus que quelque chose comme un grand peuple. Mais j'veux pas voter toute ma vie pour le bloc pis tu sais que j'suis chez nous. J'veux pas être à genoux, grâce à Jean-François Lisée. J'ai pas honte de dire nous, moi j'te le dis d'emblée. J'aime pas Gérald Tremblay. J'ai rien vu, je sais pas, mais j'arrête pas de trembler. Politiciens qui tiennent pas leurs promesses. Pour vous la politique c'est peut-être pas la bonne adresse. C'est maintenant l'heure de laisser place à la jeunesse. Parce qu'en ce moment, à tous les jours on régresse. J'suis pas né pour un petit pain, baba, dis-te baba. Vive le Québec souverain. Na na na na na, faut qu'on se prenne en main. Quoi quoi quoi quoi, bye bye bye, caca que nada. Pogné pour un petit pain, papa, dit papa. Vive le Québec souverain. Na na na na na, faut qu'on se prenne en main. Quoi quoi quoi quoi, bye bye bye, caca que nada. Nada. C'était Rod le Stud avec Je suis pogné pour un petit pain, le grand gagnant du concours du Festival de la chanson internationale de Granby de cette année. C'est très bien. Et comme on disait, en fait, hors d'onde, je pense que c'est un des premiers rappeurs à avoir gagné le concours. Oui, en fait, je sais pas, j'ai regardé dans mes recherches, puis je connais pas de rappeurs qui ont vraiment gagné, à moins que je me trompe, mais il y a Mathieu Lippé qui fait un peu de slam, qui a gagné dans les années précédentes. Je sais, pour ceux qui connaissent Mathieu Lippé, c'est un auteur-compositeur, il chante, mais il fait aussi un peu de slam. OK. Donc, il y aurait à peu près cette catégorie-là, mais les autres, me semble que c'est plus auteur-compositeur, plus dans le style traditionnel. Mmh. OK, eh bien. Donc, c'est toujours la chronique « La langue dans ton oreille ». On parle de musique francophone et on parle du Festival international de la chanson de Granby avec oui. David Ferron. Oui, et là, je vais vous présenter un autre quatuor, en fait, un autre quatuor. Rod le Stud était tout seul. Là, je vous présente un quatuor de filles super sympathiques et dynamiques, c'est-à-dire les gagnantes de Cégep en spectacle de 2010, les Gourmandes. Là, je sens les gars que vous avez, juste parce que je parle de quatre filles gourmandes, là. Qui ont sûrement un attribut... Ah, je sais pas. Oui, leur corde vocale. C'est ça que je veux dire. Je veux voir la photo. Oui, bon, allez. Et là, mais les gourmandes, qu'est-ce qui les démarque? En fait, c'est des filles talentueuses. Pourquoi? Parce que seulement avec leur voix, leur instrument, c'est leur corde vocale. Ah, vrai? Oui, exactement. Okay. Donc, c'est leur principal instrument. Donc, c'est a cappella. Et en plus, il y en a même qui font du beatbox. Ah, cool. Okay. Ça, j'aime ça. Ouais, c'est impressionnant, ça. Oui, puis leur corps, ça sert de percussion aussi. Fait que tout leur corps et leur corde vocale, c'est leur instrument. Ils se tapent sur le ventre, c'est quoi? Non, non, c'est leur main. Genre des claquements d'autres, des trucs de même. Là. Des trucs anodins, mais. Comme ça! Oui, mais là, ça a l'air vraiment con comment je dis ça, mais écoutez-les, ça vous rend à peine, vous allez tomber en bas de votre siège. Et là, je vous présente une chanson. J'espère que vous déjeunez pas ou que vous avez pas pris un déjeuner trop copieux. Parce que c'est... Ça va sortir, non? Ben, c'est parce que ça s'appelle Indigestion. Ah, d'accord. Parce que la chanson s'appelle Indigestion, mais vous allez voir, vous allez super bien digérer la chanson parce que vraiment, c'est un délice pour les oreilles. On l'écoute à l'instant, Indigestion des gourmands dans la langue dans ton oreille. Oui. Une fille a ses raisons que sa raison ne comprend pas. Une fille a ses raisons que sa raison ne comprend pas. Une fille a ses raisons que sa raison ne comprend pas. J'ai le corps qui incarne toutes les absurdités de la vie. Il gémit et pâlit sur un lit d'incompréhension. Il refuse d'avaler tout ce qui s'éloigne de l'utopie. Le trop plein d'illusions se solde en indigestion. Le trop plein d'illusions se solde en indigestion. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu m'appelles pas? Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Moi je t'ai pris, moi je t'ai pris. Moi je t'ai pris, moi je t'ai pris pour un septième ciel. Ne pense surtout pas dans d'un sommeil profond et béat, allez, petit enfant, revis en moi. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu m'appelles pas? Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Moi je t'ai pris, moi je t'ai pris. ciel. Une fille a ses raisons, puis sa raison ne comprend pas. Une fille a ses raisons, puis sa raison ne comprend pas. Une fille a ses raisons, puis sa raison ne comprend pas. Pourquoi, pourquoi moi je t'ai pris, moi je t'ai repris. Une fille a ses raisons, sa raison ne comprend pas. Moi je t'ai pris, moi je t'ai repris. Une fille a ses raisons, sa raison ne comprend pas. Moi je t'ai pris, moi je t'ai pris. Moi je t'ai pris, moi je t'ai pris. Moi je t'ai pris, moi je t'ai pris pour un septième siècle. C'était Indigestion des Gourmandes, le quatuor finaliste du Festival international de la chanson de Granby. C'est bien, mais écoute, sincèrement, c'est peut-être pas mon créneau. Je te dis ça comme ça. Ben non, c'est correct. Dans le genre, j'aime beaucoup Quartz. Oui, oui. Tu sais, les gars. Oui. Les filles, je trouve ça bien aussi, mais tu sais, pas trop souvent. Pas trop longtemps. Ben, c'est sûr que c'est le même style en même temps. Si quelqu'un n'aime pas le métal puis qui écoute un album de métal ou encore de hip-hop qui n'aime pas le métal. C'est ça. Mais c'est sûr que les voir sur scène, ça doit être autre chose. Parce que j'ai vu une vidéo d'eux et c'est quelque chose. C'est sûr que des fois sur 10, ce qui est sur scène, c'est complètement différent. Mais exactement. Je vous avoue que le même style pendant un album, ça peut en effet. Mais pour le spectacle, c'est un très bon point. Je trouve que ce serait le fun de les voir. Oui, ben sur YouTube. Oui. Les Gourmandes. Je vais faire ça. Et là, toujours dans la chronique La langue dans ton oreille, il nous reste un groupe à découvrir du Festival international de la chanson de Granby. Oui, de 2012, Pandaléon. Si vous aimez Mono Grenade, Coldplay dans le temps des deux premiers albums, ainsi que Marc-Pierre Arthur, vous allez adorer Pandaléon. C'est un trio franco-ontarien qui font le style de rock planant avec de l'instrumentation un petit peu acoustique, avec des trouvailles sonores assez cessantes et surprenante. Et là, on va écouter Taché de Pandaléon. On écoute ça tout de suite et c'est un MySpace, donc bonne chance. Hein? T'es capable, MySpace. Go. Wow, premier coup. C'est une joke? Okay. Et où la caméra? Elle est là. Ouais, c'est vrai. Brûlant la foi. c'était Panda Léon avec la pièce Taché. Donc, également un trio franco-ontarien finaliste du Festival international de la chanson de Granby, édition 2012. C'est bien, ça fonctionnait très bien, ça. Oui, la chanson? Oui. Oui, OK, la chanson était très bonne, en effet. Et je pense que ça a un potentiel, tu sais, je dirais... Radiophonique, potentiellement palmarésien, tu sais. Oui, au niveau Carquois, là, les gens qui sautent sur Carquois ou encore Mono Grenade ou Marc-Pierre Arthur, comme je l'ai dit tout à l'heure... Ça ressemble à ça pas mal, oui. Mais avec un petit côté symphonique... Plaisant. Oui, avec les trouvailles aussi. Vraiment, quand j'écoutais ce groupe-là, j'ai comme fait comme... Pourquoi ne pas les faire connaître? Ben, les deux autres, les gourmands des Rats de Lostad aussi, méritent d'être connus. Les trois autres que j'ai pas fait utiliser. Mais les autres sont plus dans leur. Et là, c'est vraiment pas négatif, là, niche de style, créneau. Très, très pointu, leur créneau. Alors que l'autre, c'est un petit peu plus grand public. Oui, c'est sûr. Mais les trois, j'ai pas peur, ils vont trouver un public autant large ou même plus intime, peu importe. Mais il y a du potentiel. Puis c'est correct qu'il y ait comme ça parce que c'est ça que ça prend des artistes qui plaisent à toutes sortes de publics et pas juste. Ben oui. Sinon, tout le monde serait pareil. Ça serait plate. On veut pas de ça. Non. C'est pour ça que C'est Fou existe, hein, n'est-ce pas? Hey, merci congratulations. Oui, merci. Ben, merci fait plaisir. Beaucoup, merci. David Ferron. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis merci beaucoup de m'avoir donné un coup de main ou de m'avoir tenu la main, c'est ça long. François? Non. Non? Non? Non, je suis pas d'accord. OK. Pas grave, ça me pareil. Donc, mardi prochain à 8h30, une autre chronique La Langue dans ton oreille, David Ferron. Merci encore. Ben, c'est moi qui vous remercie. Là. Bonne journée. Bonne journée. François, il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Tu avais envie de parler de quelque chose, je crois, toi. Oui, exactement. Écoute, j'en profite pour inviter les étudiants entre 13h30 et 14h30. Aujourd'hui même, initiation au Power Yoga. On s'en rappelle, Jasmine nous avait présenté l'activité. Oui. Ça va se dérouler ici à l'extérieur. Si, par exemple, il mouille, ça va se dérouler au 10-12. Donc voilà, vous pouvez d'ailleurs amener peut-être du linge un peu plus souple pour l'activité. Exactement. Écoute, je te parle aussi, on est dans le créneau santé, évidemment. Okay. Je te parle aussi d'une activité qui va avoir lieu demain, d'ailleurs. Il va y avoir des étudiants qui vont venir nous en parler demain, oui. Vers la fin de l'émission. Ça va être du workout qui va se dérouler demain à 11h au CAPS. Évidemment, c'est gratuit pour les étudiants. Donc, voilà, ça peut être des bonnes activités pour avoir des bonnes habitudes de vie saines. Donc, voilà, ça se déroule aujourd'hui et demain. Power Yoga aujourd'hui et demain, workout. Belle semaine pour prendre soin de soi, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On va se retrouver demain entre 7h et 9h. Et comme tu l'as dit si bien, en fin d'émission, on parlera de santé. Mais avant ça, on aura de tout plein d'autres sujets les plus palpitants. On va voir Anne-Julie Durocher avec sa chronique aléatoire, l'index d'Anne-Julie. Elle va nous présenter un de ses coups de cœur qu'elle a eu pendant ça. Elle va mettre l'index sur quelque chose. Plouit, plouit. Oh. Le doigt dessus. Plouit. Ça va être percutant. Oh, oui, tout à fait. Ensuite, à 8h, on aura Jasmine Raymond-Drinville et sa chronique sur la GEQTR. On va entendre parler des plus récentes activités, des nouvelles qui se passent autour de la GE. C'est donc à 8h. Et puis à 8h30, on aura Maxime Béliveau et sa chronique d'une foulée à l'autre. Et là, c'est vrai, on le dit depuis des semaines, et là, c'est pour vrai. Qu'est-ce qu'on va faire demain, François? Boire du jus de betterave. Wesh! Ah! À ce qui paraît, c'est très bien. À ce qui paraît, c'est très bon pour le corps. Pour toi, mais pas bon pour le goût, t'sais. Non, c'est ça, exactement. Et ici, on s'en rappelle bien, c'est fait pour oxygéner bien les muscles. Ouais. Il y a l'exercice physique qui peut faire ça aussi. Non, mais ça vient en complément. C'est un complémentaire. C'est comme le genre de Powerade, mais naturel. Là, ouais, tout à fait. Et plus efficace. Ouais. Moins de sucre. On parlera d'ailleurs de d'autres affaires aussi. J'avais son sujet ici. Attends un petit peu. Il va nous parler... Colin, c'est petit, ça? question de l'hydratation à l'effort et des boissons sportives. Donc, il va faire un pot-pourri sur ces questions-là en abordant des thématiques et des interrogations qu'on retrouve fréquemment lorsqu'on en traite. On va parler du café de long en large, les différentes boissons énergétiques et énergisantes, la déshydratation et plein d'autres questions dans cette veine-là. Donc, c'est demain à 8h30. Restez à l'écoute pour le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, il y a plein d'autres affaires. Et puis, en soirée, réanimation. On se quitte avec Hellsongs. Yeah! Et Sin City. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci. Bye bye. Oh yeah, bonne journée. We'll be right back. rich man first. Lamborghinis and caviar. Dry martinis and Shangri-La. I got a bird. Snakes they take. Rich man, poor man, the beggar man and the thief.